Coralie lit un livre. Jonathan attend des chips. Elodie dit sa vie. Jennifer fait son lit. Et tout le monde parle d'argent. Même les plus pauvres sentent le guerlain. Les bons hippies ont fait leur temps. Le capitalisme bat son plein. Stacy, si un arbre. Sydney, né un vendredi. Huguette, guette son compte en banque. Est-il Lindemann? Et tout le monde parle de sexe, de faire le con en boîte de nuit, de se retaper toutes leurs ex. Et tout en bas, Satan sourit. Et tout le monde parle d'argent, même les plus pauvres sentent le guerlain. Les bons hippies ont fait leur temps, le capitalisme bat son plein. Et tout le monde parle de sexe, de faire le con en boîte de nuit, de se retaper toutes leurs ex. Et tout en bas, Satan sourit.